Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Jojo Bernard. Salut Jojo, comment tu vas? Bonsoir, ça va impeccable bien. Au chômage, mais moi c'est un peu mon corps de métier, tu vois le chômage. Mon grand-père il était chômeur, mon père est chômeur, donc... Ouais, chômeur de père en fils, quoi. Exactement. C'est un plaisir de t'avoir dans le podcast, merci d'avoir accepté l'invitation. Bah de rien, Sofiane. J'avais pas trop d'excuses, tu vois. Comme en ce moment, on n'est pas très essentiel. Je pouvais pas te dire que je faisais autre chose, quoi. Bah, j'avoue. Après, je l'aurais pas mal pris, hein. Tu sais, il y en a, je te rassure, il y en a à qui je propose le podcast et qui sont très inventifs en termes d'excuses. Au moins, il cherche, tu vois. Moi, j'avoue que quand il y a des gens qui me proposent des trucs, j'ai pas trop envie. Bon, bah, j'oublie de répondre, quoi. Ça m'est déjà arrivé. Oh, moi, tu sais quoi, franchement, alors bien sûr, je dis les gens qui me disent non et tout. Déjà, il n'y en a pas des masses. Franchement, c'est très rare. Et il y a ceux qui ont des vraies excuses. Et par contre, ceux qui ne me répondent pas, ouais, c'est vrai que je trouve que c'est un peu dommage. Tu vois, je préfère qu'on envoie un message pour me dire désolé, je peux pas, que voilà, tu vois. Oui, mais on peut pas t'envoyer un message pour dire désolé, je ne veux pas. Oui, mais non, mais au moins je ne peux pas. Ou genre, au Ouais. moins, genre, désolé, ce sera pas possible, tout simplement, tu vois. Mais juste histoire d'être fixé, tu vois ce que je veux dire? Ouais, t'as raison, t'as raison. Voilà. Dans la vie, faut être honnête. Eh ben, tu sais quoi, Exactement. Sofiane? Eh ben, Oui. en fait, je peux pas. Donc, on va. Allez, salut! Bonne Bon, où soirée! est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Oh, bah écoute, de toute façon, je t'ai là, tu es mon otage. Tu es mon otage téléphonique. Pas de souci, pareil. Et je vais te tenir en otage tant que tu ne m'as pas raconté des anecdotes d'humoriste. J'espère que elles seront assez croustillantes pour toi. Je vais faire de mon mieux pour les Ouais. apprécier, mais connaissant le personnage, je pense qu'elles vont être magnifiques. Bah écoute, je sais même pas par où commencer. Si tu veux, tu peux commencer par une anecdote, on va dire, on va y aller crescendo. T'as une anecdote, je sais pas, une galère de tournage, une galère sur scène. Ouais, bon, parler. Moi, ma galère de tournage qui arrive le plus souvent, Ouais. c'est une fois, j'ai carrément un mec, un Belge, un youtubeur belge qui est venu, du coup, qui a pris le train parce qu'il n'y a pas le permis, donc il est venu jusque à Lille. À Lille, on est venu, on a fait une vidéo. Franchement, je pense que c'était une des vidéos les plus drôles que j'ai jamais faites où on bouffait des Ouais. frites, on en foutait partout. On a rigolé, tu vois, vraiment, on a trouvé une bonne vidéo et tout. Il repart, je le ramène à la gare, puis il repart, je rentre chez moi, je vais faire le montage. Et j'avais oublié d'appuyer sur le bouton on du micro, tu vois. Du coup, ben, j'avais l'image, mais pas le son, tu vois. Et donc Oh là, mon Dieu. bah voilà, très très douloureux. Du coup, cette vidéo ne, ouais, personne ne la verra jamais parce qu'il n'y a pas de son, quoi. Et ça m'a pas servi de leçon hein, parce que j'ai recommencé quand j'ai fait des tournages et tout. Parfois, avec des mecs, j'avais une émission qui s'appelait le Jojo Show et ça m'est arrivé plusieurs fois d'oublier d'allumer le micro. Ouais. Dans ces cas-là, il n'y a pas genre un backup, un peu, un truc comme ça? Ah non, parce que souvent, en fait, c'est des micros que tu connectais à la caméra, donc ça prenait même le son. C'est même pas en mode, au pire, tu prends le son de la caméra et t'as un micro qui est à côté. Non, c'était à Voilà, l'époque. À l'époque, c'est à j'avais ça que je qu'un pensais. Hein. micro que j'installais sur ma caméra, quoi. Et donc, Oh, c'est c'est ça. tellement dommage. Donc C'est ça. on a raté des pépites, quoi. Ah, bah, clairement, là, je serais en première partie de Gad Elmaleh tous les jours, tu vois. Mais bon, après. Même quand il joue pas, même chez Même quand lui. il joue pas. Ah bah écoute, ouais, c'est des galères. Moi, à chaque fois, j'ai la hantise que l'enregistrement se coupe sans que je le voie, ou je sais pas. Bah moi, j'ai eu une petite galère l'autre jour avec mon micro, là, tu vois. J'ai acheté un nouveau micro avec des... Enfin, des... En fait, c'est un écouteur sur lequel il y a un micro. Et donc, les écouteurs, bah, j'utilisais la même marque et tout, machin, nickel. Et heureusement, Elodie Arnoux, j'en profite pour la saluer, Elodie Arnoux m'a prévenu, elle m'a dit, attention, ça grésille, quoi. Et je me suis rendu compte que depuis quelques enregistrements, le micro grésillait un peu. Donc ça va, j'ai réussi à donner le change. Il y a juste l'épisode avec Laura Domange, que j'en profite pour saluer également, qui crépitait un petit peu. Enfin, il y a certains moments, hein, si tu veux, c'est pas une demi-heure de podcast, une demi-heure de grésillement, tu vois. Mais genre, de temps en temps, il y a un mot ou deux où on entend que ça grésille un peu, ça griche, comme disent les Québécois, tu vois. Ouais. Mais ça va, franchement, c'est audible, il n'y a aucun problème. Donc encore toutes mes excuses pour ces petits contretemps techniques, mais malheureusement, on y est assujetti quand on fait des vidéos. Et tout, c'est comme quand tu es sur scène, que tu places la caméra nickel, tu vas sur scène, et puis après, par exemple, l'angle a changé, quelqu'un bouge la caméra sans le faire exprès ou quoi, et tu te retrouves avec une vidéo inexploitable, quoi. Excuse-moi, je t'ai pas écouté. Il Non, non, je rigole. est horrible, il est horrible. Ah, ton petit podcast personnage. de Jo Bernard, là c'est le podcast de Sofiane, là. Oui. Bah, il n'y a pas Un de jour, je mets problème. la caméra et puis il y a un mec qui s'est mis devant et on ne me voyait plus. Bah, excuse-moi, hein, pauvre chéri. Est-ce que toi, ça t'est arrivé des trucs comme ça? Vas-y. Ah non, sur scène, je me filme pas trop. D'accord. Juste l'extrait de mon sketch La Bagarre que j'ai mis sur YouTube. On a un peu triché, c'est qu'en fait, il y avait à l'époque, enfin même encore maintenant, il y avait deux scènes ouvertes d'affilée. Et du coup, on a triché pour les angles de caméra, pour le public. Ce qui fait que parfois, tu as des images d'un public qui rigole, mais c'est le public de la deuxième scène ouverte. Tu vois, c'est pas les. Ouais, mais c'est pas grave. Tant qu'il rigolait pour toi, ça va. Exactement. Ah, ça, par contre, j'ai pas précisé que c'était pour moi qui rigolait. Voilà. Oui, parce que si tu me dis on a triché un petit peu, Ah oui, non, j'ai mais pris j'en. les images de Gad Elmaleh à l'Olympia et tu vois là, oui. Là, je te dirais, t'as peut-être un peu abusé sur le montage, mais là, ça va. Tant que c'était toi, tricher sur deux montages. Ben, de toute façon, je crois bien que les DVD de spectacle, la plupart du temps, se tournent comme ça, non? J'en ai aucune idée. Je t'avoue que bah moi je voulais tourner mon DVD en cette ma fabuleuse année 2020 2021. Ouais, je vais trouver. Ouais, Mais ça va être compliqué. mais Mais souvent ils font comme ça en fait. Ils font deux séances ou oh, peut-être pas trois, mais genre ils font deux séances et après ils filment les deux spectacles pareil avec les mêmes angles de caméra et tout. Et puis après, ou alors des fois, genre ils peuvent changer de caméra entre deux, mais en tout cas, les axes principaux, je parle par rapport au public, les axes principaux de sur scène, ça bouge pas. Et après, ben ils regardent les deux et des fois il y a une blague qui a bien fonctionné sur une séance et pas sur l'autre, ben ils vont attraper là où c'est le mieux, quoi, tu vois. Ouais, on n'avait pas assez de caméras. Si tu veux filmer au Spotlight, qui est un café-théâtre très sombre, ce qui est normal, hein, quand tu es sur scène, tu coupes les lumières, sauf sur la scène, quoi. Donc il te faut quand même des caméras qui puissent avoir une assez bonne qualité pour voir dans le noir et que discerner le relief des visages, soit pas que ça fasse juste un point blanc. Tu vois, si tu n'as pas une bonne caméra et que tu es loin, c'est compliqué. Donc on avait juste triché pour les caméras, quoi. Mais d'ailleurs, Non, en mais c'est pas parlant grave. du sketch La Bagarre, Ouais. moi, le sketch La Bagarre, en fait, je suis arrivé. La première fois que j'ai joué, je crois que si je dis pas de bêtises, ça devait être genre le 15 décembre 2015, un truc Ouais. comme ça, début décembre. Et j'arrive, donc c'est la première fois que je le joue. Moi, j'avais joué une fois sur scène avant, où j'avais fait un sketch sur Jojo Bernard, sur bah, un peu l'intro de mon spectacle, où je me présente tout ça. Donc là, c'était vraiment le premier spectacle en mode bah, pas de filet de sécurité, c'était de l'inédit. J'ai dit, on va tester quoi. Donc j'arrive, je fais mon sketch. Alors là, franchement, bon, sans vouloir me la péter, mais vraiment, ça, genre, vraiment cartonné de ouf. Après, ça Ouais, faisait. ouais. Ce que je savais pas, c'est que quand on m'a dit, t'as bien 5-10 minutes, je fais, ouais, 5-10 minutes, mais c'est 5-10 minutes quand tu récites tout seul devant ta salle de bain, tu vois, pas quand tu dois t'arrêter pour rigoler. Donc, j'ai fait 25 minutes, mais ça, je l'ai su plus tard. Et du coup, j'étais hyper confiant, en fait. J'ai eu mon ego qui montait en mode, je fais un sketch, ça marche tout de suite. Après, je l'avais refait plus tard en janvier, parce qu'à l'époque, je passais pas trop souvent, et pareil, ça cartonne. Donc, je dis, vas-y, je suis trop fort. Mon sketch, La Bagarre, trop drôle. Et j'étais vraiment persuadé, parce qu'à chaque fois que j'allais faire mon sketch, ça marchait bien, quoi. Et un Ouais. jour, je suis allé faire un festival du rire à Lisles-les-Lanois, donc c'est dans le Nord, c'est pas loin de Roubaix, tu vois. Mais c'est assez. Le public était quand même assez vieux. Et Ouais. assez, pas riche, mais tu vois, je veux dire, confort, enfin, tu vois, classe supérieure quand même un peu. Et j'arrive, donc je fais mon sketch de la bagarre, qui est un sketch qui parle un peu de la bagarre de rue, des racailles, tout ça. Et je me tape un four, mais monumental. Et genre, même la blague, tu vois, j'ai des punchlines qui cartent, même dans la vidéo, tu vois que ça marche bien. Et là, c'est toutes les blagues, les gens, tu sais, t'avais des petits, tu vois, de fond de salle, quoi, tu vois, mais. Et j'étais choqué, je comprenais pas. Et en fait, c'est là, ça m'a quand même servi de leçon, c'est que je me suis aperçu que ben les publics ont, en fonction de leur âge, de leur mode de vie ou quoi, de l'endroit, tu vas pas forcément rigoler au même van, quoi, tu vois. Donc tu vois pas de la même manière. Donc faut savoir aussi s'adapter un petit peu au public. C'est pour ça que maintenant, quand j'ai un public un peu plus vieux. Bon, je fais des trucs un peu plus prout-prout, tu vois. Ça, souvent, ça fait rigoler, ça, les vieux, hein, quand D'accord, donc c'est c'est un peu plus basique. bon, pas basique, non. C'est un retour en enfance, tu vois, la vieillesse. D'accord. Ok. Ah, mais c'est beau d'avoir appris de ses erreurs et tout, et puis de t'être adapté, parce que c'est vrai qu'il faut s'adapter au public. Il y a autant de publics différents qu'il existe de styles d'humour différents, et on Exactement. voit. Et moi, je Voilà. me suis braqué au début en disant, bah, de toute façon, ils sont nuls, ils comprennent pas mes blagues. Mais tu vois, non, mais Parce que voilà, je comprenais pas pourquoi. C'est le réflexe qu'on a tous en fait, c'est qu'on se dit ouais, c'est de la faute du public au début, tu vois, au début. Ouais, Après, on apprend que c'est jamais la faute du public ou vraiment, faut que... enfin, ça peut arriver, mais vraiment, c'est très rare que ce soit là réellement le public qui n'ait pas mis de bonne volonté. La plupart du temps, je pense que 99% du temps, quand tu bides, c'est qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas bien passé, t'as peut-être pas bien vendu, t'as peut-être été trop en confiance ou je sais pas. C'est peut-être là ce qui t'est arrivé, ça nous est arrivé à tous. Hein. Dès que t'as un passage, dès que t'as ce qu'on appelle un hit, tu vois, qui passe partout, bah tu te dis c'est bon, il est imbattable. Sauf que le jour où tu tombes sur le public qui résiste un petit peu à ton hit, là tu te remets un peu en question. Soit tu te remets en question, soit tu te dis c'est le public qui est nul, mais si t'es un bon humoriste, tu te remets en question et c'est ce que t'as fait. Et après, tu t'adaptes et tu apprends à le rendre plus universel encore. Ouais, t'as raison, mec. T'as raison. On sent encore la souffrance dans ta voix. J'ai changé. Mais ouais, non, mais c'est vrai. Mais d'ailleurs, ça me fait rire, c'est quand. Quand t'as un humoriste, tu vois devant toi dans un plateau qui est pas terrible, ouf, ouf, et qui vient te voir après, en mode, tu sais, juste avant, qui te présente, ouais, tout, j'adore ce que tu fais, il fait son passage, ça passe pas bien, puis après, il revient me voir, il fait, ouais, ouais là, le public était dur et tout, ouais, le public, ouais, c'est vrai que le public est dur ce soir, tu vois. Je... Ouais, tu vois, tu peux pas lui dire. Ben non. On peut être un petit peu surpris quand on voit quelqu'un, ouais, genre qui va bider sur scène et puis après qui va dire ah, en fait, c'est la faute du public. C'est vrai que ouais, ça peut être gênant, surtout si toi après tu passes et tu déchires tout. Ah, ouais, ouais, bah, est-ce que passé au Field de Paris, tu ouais, donc, ouais, ouais. J'explique pour ceux qui nous écoutent, c'est le principe du Field, c'était un plateau ouvert le dimanche soir. Et avec artiste, en fait, surprise. C'est-à-dire que tu venais juste avant le plateau, et tu dis, bah, moi, je veux m'inscrire. Et donc, ils tiraient au sort parmi les gens qui étaient là, quoi, parce que bah, forcément, il y avait plein de monde. Quoi, et en fonction des gens qui sont là, ils te font passer. Et bah, moi, j'étais allé sur Paris pour jouer. Et du coup, je dis, oh, bah, je vais aller voir, ne serait-ce que voir le film, parce que j'ai entendu parler, mais je n'avais jamais vu. Donc, on était allé avec deux autres potes humoristes. On y va. Et bon, du coup, on essaye d'être pris, mais forcément, on n'est pas pris parce qu'en fait, même si c'est tiré au sort, ils essayent quand même de. C'est ça, ils sont vraiment très très bienveillants. J'ai joué quelques fois chez eux. Ils sont, tu vois, ils savent que si la personne elle est venue deux fois, trois fois, ils vont la prendre. Des fois, tu peux avoir un coup de chance et passer dès la première fois que tu demandes. Mais ce qui est génial de leur part, d'ailleurs, le Field, j'en profite pour saluer toute l'équipe. Ils sont vraiment adorables. C'est la plus vieille scène ouverte de Paris. D'ailleurs, il y avait à l'époque Jamel Debbouze, Eric et Ramzy qui jouaient là-bas et tout. Ouais, et de Gustave. Voilà. C'est ça. Et vraiment, c'est au théâtre Trévise. Et vraiment, je trouve que c'est une des scènes les plus bienveillantes et tout. Et surtout, ce qui est génial, c'est que même si tu n'as pas été sélectionné pour jouer ce soir-là, on t'offre l'entrée du spectacle. C'est quand même beau. Ouais, c'est ça. Du coup, en fait, en n'ayant pas été pris, bah, du coup, on allait voir la scène ouverte. Et franchement, et c'était vachement bien. Alors après, parfois, il y a des soirées où c'est mieux que d'autres parce que, en fait, il y a aussi des guests, quoi. Organisateurs, quoi, ouais, voilà, qui des guests aussi qui sont là pour être sûr d'avoir un contenu quand même un peu potable et qui change entre chaque semaine, quoi. Mmh. Enfin bref, et du coup j'y suis allé et du coup bah à chaque fois que j'allais à Paris et que je restais le dimanche soir, bah, je disais bah je vais aller au Field, toi, qui tente rien à rien. Ouais. Il y avait un mec qui m'avait reconnu, un petit jeune, tu vois, et du coup il me disait hey, tout ça va, Joe, c'est un mec, et je me souviens il avait un grand chapeau et tout, et genre il me lâchait pas, tu vois, et je me souviens il avait demandé nos numéros de téléphone à moi et mes potes, c'est comme mes potes, si tu veux, ils étaient très sociables, ils lui parlaient et tout, moi je pensais qu'ils se connaissaient. Donc, ouais. Il m'a demandé mon numéro et moi je ne sais pas dire non, tu vois. Moi, je pense que j'ai perdu la moitié de mes économies à cause du SDF devant la boulangerie, tu vois, parce que je ne sais pas dire non. C'est vraiment un truc Moi, ça me, j'arrive pas à dire non. Du coup, le mec, il me dit, ouais, je vais avoir ton numéro et tout, si jamais on veut faire des trucs. Alors, moi, je fais, ouais, ok. Donc, je lui donne mon numéro. Et après, c'est Maé, tu vois, qui c'est Maé? Maé, oui, oui, il était dans le podcast aussi. Oui, oui, un humoriste de Lille, ouais. Et ben il vient me voir, il me dit pourquoi tu lui as donné ton numéro? Je dis bah je sais pas, je pensais que tu le connaissais. Il fait mais non, faut pas lui donner, tu vois, on le connaît pas, tu vois, t'en sais rien, ça c'est risqué, tu vois. Je fais bon écoute, c'est pas grave, tu vois. Et ce mec là, à ce moment-là, il est pris. Ça y est, il monte enfin sur scène. Nous, ça faisait 3 semaines qu'on venait, qu'on le voyait à chaque fois repartir bredouille. Uh-huh. Et là, il monte et un four, mais waouh, c'est violent, genre il n'y arrive pas du tout. Puis du coup, il commence à être nerveux, donc il trifouille le fil de son micro. Et du coup, bah, ça fait des petits grésillements et tout. Et là, il fait, ouais, mais en même temps, là, il se prend un gros bide. Il fait, ouais, en même temps, c'est un micro de merde. Et il jette le micro. Oula. Tu vois, oula. En plus, il respecte pas le matériel, quoi, tu vois. Et du coup, bah, les deux autres, surtout que le micro, moi, ils il y sont était. morts de rire parce que moi, je lui ai donné mon numéro, tu vois. Et moi, j'ai dit, oh non, merde, tu vois. Et alors après, je me souviens, après le soir, dès que le spectacle est fini, on dit vite, on se barre parce que j'ose pas lui dire que c'était de la merde, tu vois. Moi, toi, t'oses pas, tu vois, t'es bien meilleur que les gens. Donc, on s'est barré, puis Mais j'ai c'est reçu un tellement. Mais. texto. Ouais, Ouais. salut Jojo, c'est. Bon, écoute, là, ça s'est mal passé, mais bon, en ce moment, c'est pas ma faute, il y a eu le problème de micro. J'ai fait un message en mode. Je me justifie d'avoir. Enfin, parce que c'était vraiment. C'était un gros four, Mais mais c'est enfin. tellement drôle et c'est tellement Ouais. inattendu de mettre la faute sur le micro, surtout que Ah si ouais. t'as pas eu de rire, le micro ne peut pas transmettre du silence, tu vois ce que je veux dire? Ah non, mais si tu veux. Non, mais le micro. Le PF, parfois, ça faisait des petits. Parce qu'il trifouillait le fil. Mais si C'est tu veux, lui ça qui. Bah appuyait oui. le côté. Mauvais, tu sais, parfois dans les films, quand un mec fait une mauvaise blague, il met toujours un bruit de micro et Oui, un un petit silence Larsen, gênant, tu quoi. vois. Un Et petit bah là, Larsen, ouais. ça l'a carrément fait. Genre, ça a vraiment fait ça. Ça a vraiment fait l'Arsène gênant du bruit. Oh. Et. Ah, pouf, pouf, chou, tu vois. Bon, je l'ai jamais revu après. Du coup, j'ai fait la fameuse technique de je n'ai pas répondu. Parce que. Bah, tu Alors sais, là, tu. c'est pas la même chose. Là, c'est pas la Ouais, même mais je chose. savais Là, pas c'est quoi pas dire, pareil. tu vois. Je peux Ouais, pas lui bah dire. bien sûr. Puis en Ouais. plus, en vrai, quand tu y repenses, tu. T'es invité sur une scène ouverte, jamais tu jettes le micro par terre. Enfin, franchement, du respect pour le Bah oui. matos et les ingé sons. Enfin, tu vois, en vrai, c'est chaud, Bien quoi. sûr, bien sûr. Techniquement, je veux dire, ils auraient pu lui dire, bah le micro, tu vas le payer, Ouais, quoi, si bah jamais il est après, si cassé. lui dit non, il va se passer quoi? Enfin, tu vois, C'est il genre, vient il va se plus. passer quoi? C'est plus jamais tu reviens ici, quoi. Ouais, bah de toute façon, je pense qu'il n'y avait même pas besoin de lui dire, quoi. C'est un peu. Je pense que lui-même, il l'osera. Enfin, bref. C'est une anecdote, du coup, qui me concerne pas trop, mais. Ouais, mais c'était marrant, c'est sûr. Oh, quand même, le mec qui éclate le micro par terre en mode le micro est pourri, bah non, Ouais. faut se remettre en question, tu vois. Ah, puis il est parti de Oh. la scène et tout. Et puis derrière, bah, le présentateur de la soirée va faire bon, bah, c'était Massa, et maintenant on va enchaîner. Enfin, tu vois, c'est. Ah. Ah, ils sont super pros, hein, parce qu'il Ça faut met dire à ce qui est froid. vraiment. Ah, moi j'ai du respect pour eux, tu vois, l'équipe d'animation. Et tu vois, genre, ils montent sur scène entre deux pour faire des petits des intersketchs. Voilà, ils appellent ça des Ouais. intersketchs, je crois. Et Genre vraiment, c'est toutes les bien parce semaines. que. Ah, mais ils sont super pros, ils ont beaucoup d'idées, T'as vraiment envie d'y ils sont. retourner, toi, ça se voit, hein. Ah, T'as mais envie d'y moi, le retourner au field, field. vraiment. Bah, clairement sur Paris, moi c'est une des meilleures scènes que j'ai faites, tu vois. J'ai vraiment trouvé ça super. Et ils sont très très pros parce que, comme tu le disais, il n'y a pas de sélection réelle, tu vois. C'est pas sélection sur vidéo. En gros, ils acceptent tout le monde à partir du moment où on est venu plusieurs fois ou quoi. Et puis ils sont très bien aussi parce qu'ils mettent une place pour les artistes de Ouais, de province. province, ouais, Voilà. tout à Ils fait. en mettent une par dimanche. Moi, c'est ce que je fais, tu vois, pour pas prendre le risque de me Bah oui, retrouver si tu viens de Bordeaux, bloqué. Voilà, ben je leur dis à ouais. chaque fois, je leur dis quand est-ce qu'il y a de la place pour le dimanche? Et ils me disent ben il y a tel dimanche de libre, et puis hop, je le prends. Comme ça, après, je sais que je suis là. Et à la fin, une fois qu'ils ont fait leur sélection, ils disent on a une personne de province, Sofiane, est-ce qu'il est là? Et hop, je lève la main, tu vois. Mais Ouais. ils sont super bienveillants. Ils prennent le risque quelque part, c'est le risque de toutes les scènes ouvertes. Ils prennent le risque de faire monter sur scène des gens pour qui ça peut très mal se passer et mettre un malaise dans la salle. Et je pense que là, il Bah, y a eu c'est un ce qui est gros arrivé ce malaise. soir-là, quoi. Ouais. Et toi, t'étais passé avant ou après lui? Ah ben non, du coup, t'étais pas Non, moi passé, t'en parlais, j'étais excuse-moi. dans le Pardon. public. Moi, j'y suis allé Ouais, une d'accord. fois au field parce qu'en fait, Jérémy Créteville était le parrain. Et du coup, quand t'es parrain, t'as le droit d'inviter un humoriste pour être Ah, sûr d'avoir, ouais. entre guillemets, de valeurs sûres D'accord, dans ouais, la donc t'as soirée. été l'invité de Jérémy Crédville, c'est C'est super, ça. ça. Ouais, Ouais. carrément, c'était bien. C'était bien. Ah, et puis le public du Field, tu sais, c'est pas le public classique de Paris, tu sais, on Non, dit souvent que le public est blasé et tout. Là, le public du Field, c'est un public bienveillant et chaud et génial, quoi. ouais, par contre, ils sont. Enfin, c'est un public d'habitude aussi. Et enfin, je pense qu'ils sont. Du coup, c'est pas le même humour que tu pourras retrouver dans des cafés-théâtres. Enfin, dans d'autres cafés-théâtres parisiens, quoi. Je pense que tout ne peut pas forcément passer dans les autres cafés-théâtres, ne va pas forcément passer au field, quoi. Tu vois, je pense qu'il y a une Oui, exigence un peu supplémentaire, mais qui est toujours bienveillante aussi. il y a quand même une exigence. C'est sûr qu'ils vont pas tout laisser passer, mais je veux dire, Bien sûr. si tu balances une blague marrante, ils vont pas dire, oh ouais, c'est marrant. Ils vont rigoler de bon Ah cœur, tu vois. oui. Non, puis Voilà. même il y a l'orchestre et tout. Enfin voilà. Ah, Alors là, c'est ça la met les promo gens. du fil là. C'est. Ah ouais. Bah, c'est super. D'ailleurs, j'attends le chèque, hein, par rapport Oui, bah au évidemment. partenariat. N'oubliez pas, hein, si jamais vous montez sur scène, vous donnez le code promo Non, SOFIAN10 et vous avez 10% de réduction sur un bide. vous avez Vraiment, hein. 10% de rire en plus Ah, pendant ça votre peut être pas mal, passage. ça. Eh, sérieux, franchement, tu n'utiliserais pas le code promo si on t'offrait 10% de rire en plus? Bah, 110%, ça fait trop fort après. Oh là là, excusez-moi mesdames et messieurs, j'ai commis un sacrilège. J'ai osé imaginer que Jojo Bernard n'avait pas 100% de rire. Alors, comme j'expliquais tout à l'heure, ça arrive. Hein. Non, mais il y a toujours des moments, ça ne peut pas toujours être parfait. Hein. Après, tu as aussi des conditions de jeu. Moi, une fois, j'ai joué pour un festival près de Reims. Hein. C'était dans un petit village paumé. Et ils avaient monté un chapiteau. Ouais. Donc, de cirque, vraiment en mode cirque. Donc, la scène, c'était un cirque. Donc, c'était, en vrai, c'était super stylé, quoi, de jouer dans un chapiteau et tout en extérieur. Mais c'était un petit village, tu vois. Il y avait du monde, mais c'était pas non plus rempli, parce que voilà, c'est un petit patelin. Mais d'un autre côté, c'est aussi des gens qui ont besoin d'avoir de la culture qui vienne à eux, quoi. Et ce qui était marrant, c'est qu'après, du coup, tous les artistes dormaient dans la même maison. C'est dans une moi j'étais venu parce que bon voilà je connaissais pas, on m'avait dit oh ouais ce mec il était bien et tout, et moi c'était mon premier festival et genre il était vraiment l'organisateur venu me voir et tu sais il essayait de me rassurer en disant ouais tu vois ici t'inquiète pas on fait à la bonne franquette et tout et genre et moi j'étais en mode bah c'est pas censé être rassurant de dire à la bonne franquette, enfin tu vois, enfin je sais pas, je dormais, il y a un mec tellement il ronflait et tout, et en vrai tu vois, j'en garde un bon souvenir, vraiment c'était rigolo, tu vois. Ouais bah moi je sais que franchement les festivals comme ça, tu sais où t'as des bénévoles et tout, des fois t'es accueilli chez eux, tu manges chez eux, tu sais ils te disent pas forcément pour le logement parce que des fois ils te prennent un hôtel ou quoi, moi ça me dérange pas, tu sais quand on me propose, quand on me dit est-ce que ça te dérange pas d'être logé chez l'habitant, moi ça me dérange absolument pas, c'est pas grave, mais tu vois le côté à la bonne franquette c'est plus pour la nourriture, ils vont te dire ouais ben du coup c'est les bénévoles, on a préparé de la salade de riz et tout machin, c'est moi ça me dérange pas du tout. Mais surtout c'est super. Les bénévoles c'est comme là t'es à Reims, je peux dire qu'il y a du champagne quasiment illimité quoi, enfin je sais plus, il y avait un mec du coin qui faisait son champagne qui... donc les bénévoles ils étaient à 5 grammes H24 tu vois, donc... Oh là là là là. Tu bois pas un coup parce que toi c'est aussi ça le problème, c'est que moi je fais quand même vachement de blagues sur le fait que j'aime bien la bière, que j'aime bien boire et tout. Mais j'ai déjà fait une fois de monter sur scène bourré et ça s'est pas mal passé. Mais disons que tu... T'as pas le contrôle, quoi. Ouais, t'as pas le contrôle. Et je sais pas comment il fait Émeric Lompré parce que franchement... moi, j'ai pas fait... je prends une petite flûte et tout, mais tu sais, au bout de là, ça, tu peux pas prendre 5 flûtes de champagne avant de monter sur scène. Enfin, toi, du coup, tu refuses. Ouais, Jojo, t'es plus marrant dans les vidéos. Hein. C'est pas vrai, mais bon, après, tu vois, après, y a pas de souci. On se boit la bière. Mais avant. Oh là là, je comprends tout à fait. Bah, tu vois, moi, j'ai pas ce problème-là parce que du coup, moi, je bois pas d'alcool. Mais c'est vrai que, comme je dis dans mon spectacle, que j'aime le fromage parce que je viens de Clermont-Ferrand. Donc, j'ai une blague sur le fait que c'est le pays des pneus et du fromage, tu vois. Et le truc, c'est que les gens me disent ah, bah, si t'aimes le fromage, y a pas de souci. On a ce qu'il faut. Moi, j'avais joué une fois à côté de Troyes. Et vraiment, c'était génial. On nous avait servi les fromages du coin. On s'est régalé. Tu vois, moi, niveau fromage, ça va. Je peux manger du fromage avant de monter sur scène. Mais j'avoue que si c'était de l'alcool. Partout en France. Ouais. Et à chaque fois, les mecs du coin, ils vont être fiers de deux choses, de l'alcool et du fromage local. À chaque fois, on sert les deux. C'est la gastronomie française. Hein, c'est la fierté, le patrimoine, la culture. Ah non, mais c'est beau, c'est beau. Et donc, une fois que tu as joué, du coup, ils sont revenus vers toi et ils t'ont dit « Ah, ben, c'était super, machin !» Ou ils ont été un peu échaudés par le fait que tu aies refusé de boire avec eux. Oh non, non, non, au contraire, ils étaient en mode « Ça y est, t'as fini ? Bah allez, maintenant, on va boire. » Tu vois, genre... Ils sont restés concentrés sur l'objectif. Exactement, exactement. Non, mais ça se passe toujours bien. En vrai, c'était des bons souvenirs. Si tu veux, j'ai eu le... En fait, si tu veux, c'était un mec qui est venu me voir en mode « Ah, ben, moi, j'aime bien prendre des petits jeunes qui débutent. » Pour les rôder, tu vois. Mais moi, c'est vrai que je n'avais pas énormément d'expérience, mais j'avais déjà quand même une petite notoriété. Et du coup, ça m'a quand même permis de mettre les pieds sur terre en mode... il faut aussi savoir démarrer aussi par là, quoi. Tu vois, tu peux pas démarrer... Parce que moi, voilà, comme je t'ai dit, j'ai démarré au Spotlight, qui est une salle pleine, mais pas parce que c'est toi, parce que c'est le Spotlight. Et je me prends une vague de rire de ouf parce qu'il faut aussi savoir que le Spotlight, je pense que c'est une... Enfin, la scène ouverte du mardi soir, c'est un des meilleurs publics de France, je pense, parce que du coup, comme c'est une scène ouverte, t'as aussi pas mal de gens qui débutent. Et du coup, le public est vachement tolérant et il vient dans l'esprit de « on va rigoler et ça va être cool ». Enfin, du coup, grave bienveillant le public. Et du coup, zone de confort, plus. Donc, quand tu sors de là, il faut savoir s'adapter. Et du coup, c'est comme on disait tout à l'heure, il faut aussi savoir aller ailleurs, quoi. Tu peux pas. Tu peux pas t'endormir sur tes lauriers, quoi. T'es obligé d'aller te mesurer à d'autres publics, remettre un peu ton titre en jeu comme les boxeurs et tout, remonter sur le ring, quoi. C'est ça. Tu sais, j'ai joué un peu dans des trucs un peu partout. En fait, j'ai le fait de pas savoir dire non, mine de rien, bah ça fait des expériences aussi, hein, tu vois. Puis bon, après, ça fait aussi des petits chèques, hein, parfois. Hein, mais en vrai, c'est j'ai vraiment fait un peu de tout, quoi. J'ai vraiment fait un peu de tout et puis au final, regarde, tu vois, on fait des anecdotes là-dessus après, quoi. Donc, C'est ça qui est bien dans le métier d'humoriste, c'est que quand ça se passe bien, c'est toujours plaisant. Et quand ça se passe mal, au pire, bon ben voilà, ça fait des petites anecdotes à raconter entre copains ou dans les podcasts et tout, c'est toujours cool. Exactement. Bon. Et mais en plus, j'ai pas d'anecdotes qui me viennent à trop négatives, quoi. Ouais, ouais. Bah ouais, non, enfin même de... choquante ou quoi, j'ai pas... Enfin, si négatif, si, je me suis fait voler mon manteau, justement, Spotlight. Je suis monté sur... En fait, j'étais au bar, j'ai posé mon manteau sur la chaise. C'est l'heure des remerciements, donc je monte sur scène, donc je laisse mon manteau, tu vois, pour 2 minutes, juste le temps de se faire applaudir et de repartir et de distribuer les flyers, quoi. Puis je reviens, et puis, puis j'avais plus mon manteau. Depuis, maintenant, il t'invite à mettre ton manteau à l'arrière de la régie, tu vois. Parce qu'avant, c'est la jurisprudence Jojo Bernard. Il n'y a jamais eu de problème en 7 ans. Et qui c'est qui a inauguré le problème? Bah, c'est Bibi. Voilà. Oh là là. Ou alors, est-ce que c'était pas quelqu'un qui était tellement fan de toi, qui voulait être sûr d'avoir ton manteau, ton odeur, les flyers dans la poche, tout, quoi. Je pense que c'était un mec bourré qui avait envie de se payer des coups parce que après sur mon relevé bancaire, le mec est allé au bar de la Treille, donc c'est un quartier de Lille, et je voyais moins 7,50. Donc genre il allait se payer des pintes en sans contact, tu vois, jusqu'à ce qu'il puisse plus. D'accord. Et c'est-à-dire, t'as réussi à le choper après ou pas? Non, on n'a jamais réussi, c'est impossible. Même avec les caméras de surveillance. Mais non, mais si tu veux, j'ai fait opposition le temps de m'en rendre compte, mais c'était en fin de soirée. Et du coup, après, tu as la déclaration sur l'honneur. Donc, après, tu vas voir, comme tu déclares en faisant opposition, tu dis le vol a dû avoir lieu à vers telle heure. Et bah, du coup, tous les achats qu'il y a eu après, bah, tu peux dire c'est pas moi et mon assurance, du coup, elle te rembourse. Enfin, ton assurance bancaire, elle te rembourse, quoi. Ouais, j'ai été remboursé de 28,50 €. Donc, tu vois, vraiment, le mec. D'accord. Tu vois, je pense vraiment. Tu sais, il aurait pu faire plein de trucs avec ma carte. Non, il est juste allé se payer des bières. Tranquille. Alors, du coup, est-ce que tu penses pas que c'est un bénévole d'un festival frustré qui a vu que t'avais pas bu avec lui? Il a dit: ah, tu veux pas boire? Eh ben, je vais boire à ta santé, dis donc, allez. Ah, ben, non, je pense que c'était pour le coup, c'était un étudiant bourré, je pense. Ah, là, là, là, là, là, là. Franchement, c'est tellement triste de voir que le mec, il te pique ça. Et il a mais un alors, alors il a eu quand même. Il a quand même eu la bonté de jeter mes papiers dans le caniveau, ce qui fait qu'on les a retrouvés, on me les a ramenés au commissariat, donc j'ai récupéré ma carte d'identité, mon permis et tous les trucs. Bon, après, le problème, c'est que mon permis, entre-temps, je l'avais déjà déclaré volé, donc j'en avais relancé une procédure d'un nouveau, mais j'ai récupéré quand même quelques papiers. D'accord. Bah écoute, je vais te dire un truc. Quand on connaît le public du Spotlight, moi j'ai eu la chance de jouer dans la scène ouverte là-bas. J'ai joué à Lille une autre fois aussi. Deux autres fois, j'ai été jouer à Lille. Et franchement, c'était un plaisir. Le public du Nord, c'est un de mes publics préférés, vraiment. Public du Nord et le public belge, pour moi, c'est les mêmes, tu vois, vraiment. Ils sont généreux et tout. Quand on voit la générosité de ce public-là, est-ce qu'on n'est pas prêt à pardonner un vol de manteau? Ah ouais, non, mais moi, c'est tout. Certains, c'est arrivé une fois, c'est tout. C'est pas grave, et puis c'est de ma faute, j'avais qu'à pas laisser mon manteau, enfin c'est de ma faute. Non, ah non, mais... ah mais attends, on est tous pareils, hein. Tu sais, quand tu remontes sur scène pour 2 minutes, bah tu laisses ton manteau, quoi, c'est, je sais pas. Non mais voilà, non mais c'est tout, c'est pas grave, mais il faut pas retenir ça, hein. Le Spotlight, c'est une super scène, ils vont croire qu'il y a que des voleurs là-bas. Mais ah, non, il y a pas de soucis. Tout à l'heure, c'est, pour moi, c'est un des meilleurs publics de France dans ceux que j'ai fait, quoi. Ah ouais, non, mais totalement. Faire, et on en profite pour saluer Marc et Isabelle. Vraiment, c'est un plaisir de pouvoir aller jouer là-bas. On se sent à la maison et tout, on se sent bien. Le public est vraiment génial. Ah, oui, pardon. Marc, allô, c'est Isabelle. Marc, il est décédé l'année dernière. Attends, alors excuse-moi, t'inquiète pas, je couperai, mais il est décédé quand? Oh, tu m'as eu là. Oh, oh non. Oh. Oh, tu m'as fait une peur. Excuse-moi. Oh, tu vois, non, mais... Hey. Tu sais quoi, je t'en veux même pas. Je t'en veux même pas, c'était trop beau. Adoré. Attends, on va couper, mais... Comment faire? Non, parce que... Non, mais tu sais pourquoi? Je dis ça d'une manière précise. Parce que je suis allé, j'ai vu Marc de mes yeux en octobre. Tu vois? En octobre. Et du coup, j'allais dire... Mais il a dû décéder juste après, tu vois? Ou... Oh là là, tu m'as fait flipper. Oh là là. Oh, punaise. Trop bien. Bah écoute, franchement, bravo, parce que je l'ai vu en octobre et bah tu sais quoi, je le laisserai dans le montage, il n'y a pas de souci. Mesdames et messieurs, je viens de me faire pranker en direct par Jojo Bernard. Non, vraiment, vraiment, j'ai été étonné, parce que j'allais dire, alors tu sais, moi je croyais quoi au début? Je te jure, hein, quand tu m'as dit ça, j'ai cru que je m'étais trompé de prénom. Je me suis dit peut-être, parce que moi dans ma tête c'était Marc, tu vois, et je me suis dit peut-être que je parle de quelqu'un d'autre, et voilà. Oui, donc on salue encore le spotlight. Et Marc, on est ravis que tu sois en bonne santé. Alors après, peut-être Ouais. que d'ici là, qu'on parle et que tu diffuses le podcast, il sera mort, hein. Mais Oh ça, mon ce Dieu, mais t'es horrible, t'es sera pas horrible. Tu es complètement horrible. Je suis vraiment innocent, les amis, je vous assure, c'est Jojo, c'est pas moi. Non, mais vraiment, le spotlight, tu vois, moi j'aime bien parce que y a, ça fait partie pour moi des lieux qui ont une confiance de la part du public, tu vois. Les gens, comme tu l'as dit tout à l'heure, les gens ne viennent pas pour toi, ils viennent parce que c'est le spotlight. Et donc, c'est bien d'avoir comme ça des endroits où les gens vont pouvoir venir et se dire, on ne sait pas ce qui est programmé, mais le lieu nous plaît et on lui fait confiance, alors on y va. Et donc, les gens y vont et ils te découvrent parce que c'est très difficile quand tu n'as pas de visibilité réellement ni de notoriété, Ah. c'est très difficile d'amener du monde dans ta salle. Alors tu comptes sur la réputation qu'a la salle avec son public et la fidélité du public pour pouvoir jouer dans des endroits où les gens ne te connaissent absolument pas, tu vois. Exactement. Et le spotlight fait partie de ces endroits-là. Je crois que tu avais une autre anecdote à nous raconter. En fait, une fois, j'ai joué mon spectacle pour des étudiants à Albi, et le spectacle commence, et donc je me présente, et je dis, ouais, même ben, Jojo, je vote Front National, et là j'entends un mec qui fait stop, stop, stop, tu vois. Ça y est, on va tomber sur, tu sais, le. Tu vois, en mode Ouais, Front National, bah, tu vois, c'est bon, bah, tu vois. le relou, quoi. Ouais, le relou, donc il fait allumer les lumières, donc en je fais, qu'est-ce qu'il y a? Après, il fait. Je vois, il y a un mec à côté de lui qui. Tu vois, qui fait une crise d'épilepsie, quoi, sur son siège. Oh là Du coup, là. je fais, ouh la merde! Du coup, on a tout arrêté, en fait, parce que voilà, c'était juste après l'intro où il y a plein de flashs et tout. Bah voilà, il avait fait une crise d'épilepsie, donc le pauvre, on a dû faire interrompre le spectacle, tu vois, et ouais, pour plus. Oh. Puis après, pour reprendre, bah voilà quoi, tu vois. Et du coup, je suis deg pour lui, parce que je me dis, oh le pauvre, il a même pas pu voir le spectacle, quoi. Donc je me suis dit, si un jour je repasse par là, j'essaierai de voir, comme j'ai encore son nom, j'essaierai de voir pour lui offrir une place ou quoi, tu vois, c'est une D'accord, oh, bah chance. c'est sympa. Mais ça, ouais, malheureusement, ouais, les effets stroboscopes et tout, ça provoque des crises d'épilepsie, ouais. Ça s'est arrivé à un humoriste québécois qui s'appelle Philippe Laprise. Et son Mis ses doigts épisode, dedans? alors. Pardon? Il a mis ses doigts dedans? Ah, peut-être, je sais pas. Peut-être qu'il y a un de ses spectacles qui s'appelait comme ça, je sais pas. En tout cas, c'est un grand humoriste du Québec et il m'a raconté qu'il avait une spectatrice qui avait fait une crise d'épilepsie à cause des lumières, tu vois. Et ensuite, elle est partie avec les pompiers. Enfin, il y avait un pompier derrière elle qui s'est occupé d'elle et ensuite l'ambulance l'a emmenée ou je sais pas. Et ensuite, il l'a invitée, il lui a dit, tu reviendras voir le show quand tu veux et tout. Et elle est revenue le voir et malheureusement, elle a refait une crise à ce moment-là. Ah, je te jure, c'était incroyable, quoi. Donc là, bah justement, mon message à moi, c'est fais attention quand il reviendra, peut-être modifie les lumières ou quoi, parce que malheureusement, ils peuvent refaire des crises, c'est très très dur, La quoi. pauvre. Ah ouais, c'est ça, c'est ça. De trop s'en vouloir en plus. Ah non, le pauvre. Ah bah Ouais, oui. et méfiez-vous des. Bah du coup des spotlights, hein. Ça s'appelle un. Non, voilà, méfiez-vous des spotlights, mais pas du spotlight. Exactement. Voilà, ce sera le mot de la fin, je pense. Vraiment, merci beaucoup Jojo pour ces belles anecdotes. Et où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Bah le mieux, je pense, c'est le plus efficace, c'est Twitter, mais sur tous les réseaux, hein, TikTok, Facebook, Instagram, machin, YouTube, D'accord? c'est Jojo Bernard. Et puis voilà. Et en ce moment aussi, je fais des live Twitch tous les matins de Génial. vidéos. Voilà. Ok. Donc si vous avez rien à faire, vous êtes comme moi chômeur, et ben écoutez, de 9h à midi, vous savez quoi faire maintenant. Eh bien super, ben je mettrai tous les liens, je mettrai Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, TikTok et Twitch, sans Rien à problème. voir, Adrien, rien à voir. C'est ça, les liens seront plus longs que le podcast. Exactement. Eh Bon, bien bah merci écoute, Sofiane d'avoir pensé à moi. merci à toi, avec grand plaisir, hein, et pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux, donc Sofiane Etaï, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok, comme quoi moi aussi je vais allonger la liste des liens. Et je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Bisous à tous, même à toi là-bas.